L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Une étude révèle que la Lune a dû comporter de très grandes quantités d'eau au moment de sa formation, ce qui relance le débat sur l'origine de l'eau terrestre. Elle indique également que la Lune devrait posséder encore aujourd'hui de grands réservoirs d'eau. C'est par des expériences de laboratoire que des géochimistes néerlandais sont parvenus à cette conclusion. Ils ont recréé le magma lunaire initial tel qu'il existait il y a 4 milliards d'années lors de sa formation. Janao Lin et ses collaborateurs de l'université d'Amsterdam ont fait des petits mélanges de quelques milligrammes seulement correspondant à la composition de la croûte lunaire primordiale liquéfiée, composée principalement d'oxyde de silicium, de magnésium, de calcium, du fer, du titane et de l'aluminium. Ils ont chauffé le tout et mis sous haute pression ces mixtures de manière à reproduire la phase de refroidissement du magma lunaire, en y ajoutant une fraction d'eau, en refaisant l'expérience à de nombreuses reprises, en modifiant à chaque fois la fraction d'eau incorporée. La composition initiale du mélange correspond à celle qui a été déduite des données des missions Apollo. Et le résultat des expériences, après refroidissement, est ensuite comparé aux roches observées sur la Lune. Les chercheurs néerlandais, qui publient leurs résultats dans la revue Nature Geoscience, montrent que c'est seulement lorsqu'une fraction d'eau comprise entre 0,5 et 1% en masse est incorporée au mélange que l'on parvient à produire les types de roches attendus. Et plus important encore, le mélange aqueux produit une couche superficielle de plagioclase, des roches de la famille des feldspathes, et qui sont les composants dominants de la croûte lunaire. Or, cette couche, une fois extrapolée à la taille de la Lune, ferait une épaisseur comprise entre 34 et 43 km, ce qui se trouve être tout à fait cohérent avec des mesures indirectes qui avaient été effectuées en 2013 par LRO autour de la Lune. Et lorsqu'il n'y a pas d'eau ajoutée au mélange, la couche de plagioclase est deux fois plus épaisse, correspondant à une épaisseur de 68 km sur la Lune, très supérieure à ce qui a été mesuré. Les chercheurs ont conclu que la géologie lunaire n'a pu évoluer, pour donner la Lune que l'on voit aujourd'hui, que si de l'eau était présente très tôt dans son histoire et en abondance. Si de grandes quantités d'eau étaient présentes lors de la formation de la Lune, elle devrait aussi être présente sur Terre dès sa formation et n'aurait alors pas été apportée ultérieurement par des comètes ou des météorites comme on le pense majoritairement aujourd'hui. On se souvient que la sonde Rosetta avait pu mesurer la composition isotopique de l'eau de la comète Curie et avait montré qu'elle était différente de l'eau terrestre. Les indices vont donc ici dans la même direction. Le fait que la Lune ait été initialement riche en eau a d'importantes implications à la fois sur nos modèles de formation de la Lune et de la Terre, mais aussi sur le fait qu'il doit exister encore aujourd'hui de vastes réservoirs d'eau sur la Lune. Cela peut être très important dans l'optique d'un retour de l'homme sur notre satellite. Et on doit également se demander s'il pourrait exister un lien entre la collision avec la Terre de la petite planète qui est à l'origine de la Lune et la présence d'eau des deux côtés. Des recherches à suivre. L'article de Janao Lin et ses collaborateurs est paru dans Nature Geoscience en ligne le 28 novembre 2016. Il a pour titre « Evidence for an early wet moon from experimental crystallization of the lunar magma ocean ». Je mets le lien en bas du billet, comme d'habitude, sur cette espèce là-haut. Allez, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de la Lune, se contemple indéfiniment. Vous retrouvez toujours cette émission sur PodCloud, et ainsi que sur iTunes, toujours, et toujours sur Stitcher. Et vous la retrouvez également à l'intérieur du blog, ça se passe là-haut, bien évidemment. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, non pas vers la lune ce soir, puisque c'est la nouvelle lune, donc vous attendrez quelques jours pour admirer un beau croissant, et donc restez bien les pieds sur terre. Allez, salut !